Chapitre 3e. Robin, hors de l'haleine, affolé par la course, brisé par la fatigue, congestionné par la chaleur, avait roulé, comme foudroyé, sur le sol. Son corps disparut dans les hautes herbes qui l'enveloppèrent ainsi que d'un linceul de verdure. Étant donné les circonstances accompagnant cette chute, la mort arriverait à courte échéance. L'infortuné devait expirer sans même avoir pris connaissance. Et quoi ? Se pouvait-il qu'un nouveau nom s'ajoutât au martyrologe de la déportation, qu'un nouveau squelette blanchit dans le lugubre ossuaire de l'équateur? L'épais tapis de végétaux amortit le choc, et le corps, semblable à un cadavre, resta de longues heures allongé sous les tiges flexibles. Nul jaguar en quête ne passa, et les fourmis maniocs ne se montrèrent pas. Ce fut un hasard miraculeux. Le fugitif s'éveilla lentement, après un temps, dont il lui fut impossible d'apprécier la durée. Il était en proie à une prostration dont il ne put s'expliquer la cause, quoique les idées lui revinssent bientôt avec une rapidité singulière. Phénomène incroyable, il ne sentait plus aucune pesanteur dans la tête. L'étau qui étreignait son crâne semblait desserré, ses oreilles ne tintaient plus et percevaient distinctement le glapissement aigu de l'oiseau moqueur. Ses yeux s'ouvraient à la lumière, son pouls battait régulièrement, une respiration facile gonflait sa poitrine, la fièvre avait disparu. Mais telle était sa faiblesse qu'il ne put tout d'abord se lever. Il lui semblait être de plomb. Il se sentait, en outre, comme inondé par un liquide tiède, exhalant une odeur fade et bien caractéristique. Un regard jeté sur sa chemise la lui fit voir rouge écarlate. « Mais je suis dans un bain de sang » murmura-t-il. « Où suis-je ? Que s'est-il donc passé ?» Il se tâta partout et finit par se dresser sur les genoux. « Je ne suis pourtant pas blessé, mais ce sang, oh, que je suis faible !» Il se trouvait dans une large vallée, encaissée par des collines boisées dont la hauteur ne dépassait pas 150 mètres, et qu'arrosait une crique peu profonde aux eaux claires et délicieusement fraîches. Ces criques, abondantes en Guyane, sont d'ailleurs la seule compensation offerte par la nature aux tourments que l'on endure dans cet enfer. Robin s'y traîna, but avidement, se dépouilla de ses habits lacérés, se plongea dans les eaux et enleva les épais cailloux souillant sa face et sa poitrine. Ses ablutions terminées, il allait sortir du lit du petit ruisseau quand la même sensation d'écoulement d'un liquide tiède vint l'intriguer de nouveau, non sans l'inquiéter. Il porta la main à son front et la retira rougie. C'est en vin qu'il tâta de nouveau. Nulle plaie ne déchirait son épiderme. Il fallait pourtant se rendre compte de la cause de cette effusion de sang. Mon Dieu ! Que l'homme dissivilisé donc empruntait ici ? Depuis 5 minutes, un nègre ou un peau rouge aurait un miroir, faisant comme eux. Il dit, et malgré sa faiblesse qui allait toujours en augmentant, il avisa quelques larges feuilles vert brun, appartenant à une variété de nénuphars très commun en Guyane. Couper une de ces feuilles, l'enfoncer horizontalement dans l'eau et la maintenir à quelques centimètres de la surface fut pour lui l'affaire d'un moment. Son image, réfléchie comme par un verre doublé d'une feuille d'étain, lui apparut aussi distinctement que s'il lui possédait la meilleure glace. « Tiens, » dit-il, après un moment d'attentive recherche, et en apercevant au-dessus de son sourcil gauche, près de la tempe, une petite plaie. « J'ai été visité par un vampire. » Puis, se rappelant enfin sa rencontre avec l'Indien, sa fuite vertigineuse, son délire et sa chute finale, « Quelle étrange destinée, la mienne !» Poursuivi par les fauves, traqué par les hommes, il faut que la vorace gloutonnerie d'une horrible bête me sauve la vie. Robin ne s'y trompait pas, il était perdu, sans la bizarre intervention du vampire qu'il avait littéralement saigné à blanc. L'on sait que la chauve-souris vampire fait sa nourriture presque exclusive du sang des mammifères qu'elle surprend endormis et qu'elle suce avec avidité. Elle est pourvue à cet effet d'un suçoir, ou plutôt, sa bouche se termine en un petit cornet, formant ventouse, pourvue de papilles cornées à l'aide desquelles elle perfore lentement et sans douleur l'épiderme du bétail, des singes, des grands mammifères et de l'homme lui-même. Elle s'approche de sa victime en agitant doucement ses longues ailes membraneuses dont le mouvement continu procure un sentiment d'exquise fraîcheur et ajoute encore à son engourdissement. Bientôt, sa bouche se colle lentement au point qui lui semble propice, ses ailes papillotent toujours, la peau est percée et la hideuse goule se remplit peu à peu comme une ventouse vivante, puis s'envole repu en laissant la plaie ouverte. Si les désordres causés par le vampire s'arrêtaient là, il n'y aurait que demi-mal. Les 200 ou 250 grammes prélevés pour ce repas ne serait pas absolument préjudiciable au sujet, bien qu'il soit ordinairement affaibli par l'anémie. Mais, comme le réveil ne vient presque jamais après cette saignée, et que le sang s'écoule une nuit entière par cette minuscule ouverture, le malheureux, pâle, livide, exsangue, n'a plus de force. Sa vie est en péril. Si un régime exceptionnellement tonique et fortifiant ne répare pas au plus vite les ravages occasionnés par cette perte. Combien de voyageurs, surpris dans leur hamac, sans avoir eu la précaution d'envelopper leurs pieds, leur gorge ou leur tête, s'éveillent au jour dans un bain rouge et tiède. Combien ont payé de leur existence ou tout au moins de cruelles maladies cet instant d'oubli. Car bien peu possèdent, au milieu des bois, les ressources suffisantes pour restaurer leur organisme appauvri. Ils deviennent alors une proie trop facile, sur laquelle viennent fondre ces terribles affections équatoriales auxquelles on ne peut résister qu'en étant dans un parfait équilibre. Mais à quelque chose malheur est bon parfois. Notre héros verrait d'en faire l'expérience. Cette énorme saignée l'avait sauvé pour le moment. Il sera bien lentement. Telle était sa faiblesse qu'il put à peine couper un bâton sur lequel il s'appuya péniblement. N'importe, pas plus aujourd'hui qu'hier, son énergie de fer ne l'abandonna. Puisqu'il faut marcher, eh bien en avant. Tant de constance devait enfin avoir sa récompense. « Voyons, dit-il, bientôt, est-ce que je rêve ? Mais non, c'est impossible. Quoi, un bananier ? Mais cette clairière, c'est un abatis. Cette herbe de rue qui court sur la terre, couverte de feuilles triangulaires, c'est la patate. Voici des cocotiers, des ananas, des catalous, du manioc. Oh, je veux manger. Je meurs de faim. Suis-je donc dans un village indien ? Quels que soient les propriétaires, il faut les trouver. Advienne que pourra. » Et obéissant à un moment plus prompt que la pensée, il cimbra une tige d'ananas, arracha la pulpe écailleuse du fruit, le mordit à pleine bouche, le pressura, le tordit, le but. Puis, rafraîchi, un peu restauré par l'absorption de ce beau fruit, il saisit le bouquet feuillu qui le surmonte, pratiqua un trou dans le sol, l'y planta, rabattit la terre, et se dirigea vers un petit carbet qu'il aperçut à 100 mètres à peine. Cette habitation solitaire était plutôt une case très confortable, couverte en feuilles de ouaille, un palmier presque indestructible, donnant une toiture qui peut durer une quinzaine d'années. Les murailles, formées de golettes entrelacées, étaient impénétrables à la pluie. La porte était hermétiquement close. « C'est une case de noir, » pensa Robin, en reconnaissant la forme spéciale des habitations de la race nègre. « Le propriétaire ne doit pas être loin. Qui sait ? C'est peut-être un fugitif comme moi. » Cet abatis est merveilleusement tenu. Il frappa à la porte et n'obtint pas de réponse. Il frappa plus fort. « Qu'est-ce à rouler ? Que voulez-vous ? » fit une voix cassée. « Je suis blessé et j'ai faim. Ah, pauvre mon abongué ! Ah, pauvre homme du bon Dieu ! Où c'est pas pauvre entrer dans case-là, non ? Vous ne pouvez pas entrer dans ma case. » « Je vous en prie, ouvrez-moi, je vais mourir !» articula péniblement le déporté qu'une subite faiblesse s'envahit soudain. « Mon pas pouvé ! Mon pas pouvé ! Je ne peux pas !» articula la voix, comme entrecoupée par un sanglot. « On prend tout ça qui est roulé. Prenez ce que vous voudrez. Ou pas toucher rien, dis-moi la case. Ne touchez à rien dans ma maison. Ou mourir. Vous mourriez. À moi au secours !» râla l'infortuné en s'affaissant. La voix cassée, une voix de vieillard, sans doute, sanglotait toujours. « Oh, pauvre moucher blanc ! Oh, c'est un beau guémot ! Oh ! Mon père pouvait laisser mourir là, non ?» La porte s'ouvrit enfin toute grande, et Robin, incapable de faire un mouvement, aperçut comme dans un cauchemar l'être le plus épouvantable dont jamais la vue ait hanté le cerveau d'un fiévreux. Sur un front bossueux de pustules luisantes, végétait une chevelure d'un blanc de neige, touffu par places comme la broussaille des bois ou pelé comme une savane. Ici, des verrues avaient, en se chevauchant bizarrement, creusé des sillons livides, étagé des mamelons inclinés, étalé des zones inflammatoires du plus hideux aspect. Un œil bleuâtre, décomposé, sans regard, sortait de son orbite comme un œuf de sa coque. La joue gauche n'était qu'une plaie. Les cartilages des oreilles se montraient comme des chairs blanches sous un rayon noir de l'épiderme lacéré en maint endroit. La bouche tordue n'avait plus de dents et les mains sans ongles, aux doigts pleins de nodosité, restaient crispées et rigides comme celles d'un mort. Enfin, l'une des deux jambes, aussi grosse que le corps, informe, luisante, ronde comme un poteau, semblait prêt d'éclater sous l'effort de l'œdème qui la gonflait. Le vieux nègre, en dépit de la lèpre qu'il rongeait, de l'éléphantiasis qui immobilisait sa jambe comme celle d'un forçat rivé à un boulet, avait l'air triste et bon des déshérités. Il allait, venait, tournait, cloniquait sur sa jambe informe, levait ses doigts crochus, et n'osant pas toucher le moribond, poussait des cris désespérés. « Mi maman, oh mi dédé, t'as pas prouvé pour les prendre et cocobé. Les mourir kaba. Oh ma mère, je suis mort, tu ne peux pas le toucher, toi pauvre lépreux, il en mourrait. » « Mouché !» criait-il anxieusement. « Mouché ! Allons bon mouché ! Où vini côté grands arbres là-bas ? Allons bli ! Venez à l'ombre de ce grand arbre. » Robin reprenait ses sens. La vue de l'infortuné lui produisit une impression d'immense pitié, mais il est inutile de le dire, exempte de dégoût. « Merci, mon brave » dit-il d'une voix mal assurée. Merci de toutes vos bontés, je me sens mieux. Je vais continuer ma route. Oh, mouché, ou pas parti kaba, mon baillé ou morceau d'îlot, morceau cassab, morceau poisson. Vieux Casimir avait gain tous à côté sur la case. Oh, monsieur, ne partez pas encore. Je vous donnerai un peu d'eau, de cassab, de poisson. Le vieux Casimir a tout cela dans sa case. J'accepte, mon brave homme, j'accepte, murmura-t-il attendri. Pauvre créature déshéritée, dans laquelle se trouve une âme compatissante, comme une perle d'une incomparable pureté enfouie sous la fange. Le vieux noir ne se sentait plus de joie. Il se démenait comme quatre, tout en prenant d'infinies précautions pour éviter à son hôte un contact pouvant lui communiquer l'atroce mal qui le rongeait. Il rentra dans sa case, et en sortit bientôt, tenant au couis une moitié de calebasse, tout neuf, et qu'il portait fiché au bout d'un morceau de bois fendu. Il passa le couis à la flamme de son feu, se rendit en trottinant à la crique, le rapporta plein d'eau et le tendit au malade qui but avidement. Pendant ce temps, une bonne odeur de poisson grillé s'exhalait à travers le gauvetage de la case. Casimir avait mis sur les charbons un morceau de kumaru boucané, et la graisse exquise de ce magnifique poisson fondait en grésillant, emplissant le réduit de succulentes effluves culinaires. Partant de cet axiome que le feu purifie tout, Robin put se repaître sans crainte de contacter la lèpre. Le noir semblait ravi de la façon dont le nouveau venu faisait honneur à son hospitalité. Loquace comme ceux de sa couleur, jaseur comme les gens habitués à vivre seuls, il se dédommageait amplement du silence imposé par la solitude et des monologues d'antan. Il n'avait pas été longtemps avant de s'apercevoir de la position sociale du nouveau venu. Peu lui importait d'ailleurs. Le brave homme voyait un malheureux, cela lui suffisait. Ce malheureux frappait à sa porte, son infortune le lui rendait plus cher encore. Puis, il aimait les Blancs de tout son pauvre cœur. Les Blancs avaient été si bons pour lui. Il était vieux, mais vieux à ne pas savoir son âge. Il était né esclave sur l'habitation de la Gabrielle, appartenant jadis à M. Favard et située sur la rivière de Roura. « Oui, mouché, disait-il, non sans orgueil. Mot nègre habitation, mot savait cuisine, conduit cheval, planté girofle, soigné roucou. Oui, monsieur, je suis nègre d'habitation. » Je sais la cuisine, conduire un cheval, soigner les plantations de girofle et de roucou. M. Favard était un bon maître. On ignorait à la Gabrielle ce que c'était que le fouet. Les Noirs étaient les enfants de la maison. Ils étaient bien traités. On les regardait comme des hommes. Casimir vécut là de longues années. Il y vieillit. Peu de temps avant 1840, il sentit les premières atteintes de la lèpre, ce mal terrible qui a désolé l'Europe au Moyen-Âge, et qui est encore à ce point fréquent aujourd'hui en Guyane que l'administration a dû fonder la léproserie d'Akarouani. Le malade fut isolé. On lui bâtit une case non loin de l'habitation, on pourvut à ses besoins. Puis sonna l'heure mémorable où s'accomplit ce grand acte de réparation qui s'appelle l'abolition de l'esclavage. Tous les Noirs furent enfin libres. Tous les hommes furent égaux. Il n'y eut plus d'autre supériorité que celle du mérite et de l'intelligence. L'industrie coloniale reçut un rude coup. Sa prospérité, injustement basée sur le travail non rétribué, sur l'exploitation gratuite des forces humaines, fut irrémédiablement atteinte. Les planteurs, habitués à de folles dépenses, se trouvaient la plupart sans avance et vivaient au jour le jour, une année poussant l'autre. La plupart ne purent du jour au lendemain faire face aux exigences du labeur salarié, et quel salaire pour tant de peine! Les Noirs pourtant ne demandaient pas mieux que de travailler. Leur force n'était-elle pas décuplée par ce mot magique de liberté? Quoi qu'il en soit, et faute de savoir s'organiser, les colons laissèrent aller en débâcle leurs habitations. Les Noirs se retirèrent, reçurent des concessions, défrichèrent, plantèrent, travaillèrent pour eux et vécurent libres. Ce sont aujourd'hui des citoyens. Mais dès le début, un grand nombre restèrent attachés à la fortune de leur maître et travaillèrent comme par le passé, donnant gratuitement et de grand cœur leur fatigue et leur sueur. Tels furent ceux de la Gabrielle. Mais un jour vint où le maître partit. Le lien de commune affection et de commun besoin était rompu. Les nègres s'éparpillèrent. Casimir resta seul. Pour comble de malheur, son abatis fut ravagé par l'inondation. Dénué de ressources, incapable de vivre dans les villages, envahi par la lèpre, devenu pour tous un objet d'horreur, il partit, marcha longtemps, bien longtemps, et finit par arriver au point où il se trouvait présentement. Le lieu était admirablement fertile. Il s'y installa, travailla comme quatre, attendant sans se plaindre le moment où son âme quitterait sa misérable enveloppe. Il était le lépreux de la vallée sans nom. Son labeur le rendait heureux. Robin écoutait, sans interrompre, le récit du bonhomme. Pour la première fois, depuis son départ de France, il savourait sans amertume un instant de bonheur. Ses yeux ravis contemplaient l'Éden du déshérité. La voix cassée du vieillard résonnait avec des intonations affectueuses. Plus de bagne, plus de geôle, plus de blasphème. Ah, qu'il eût voulu presser dans ses bras cet être humain dont une fortune plus cruelle encore que la sienne l'avait rapproché. « Qu'il ferait bon vivre ici, » murmura-t-il. « Mais, suis-je assez loin ? N'importe, je resterai. Je veux demeurer près de ce vieillard, l'aider dans ses travaux, l'aimer. »« Ami, » dit-il au lépreux, « le mal te ronge, tu souffres, tu es seul. Bientôt ton bras n'aura plus la force de soulever la pioche et de fouiller la terre. Tu auras faim. » Si la mort vient, nul ne veillera près de toi, nul fermera tes yeux. Je suis, moi aussi, un déshérité, je n'ai plus de patrie, ai-je encore une famille? Veux-tu que je vive près de toi? Veux-tu que je m'associe de corps et d'esprit à tes joies comme à tes peines, comme à tes travaux? Dis, le veux-tu? Le vieillard, ravi, transporté, ne sachant s'il rêvait ou éveillait, riait et sanglotait en même temps. Ah, moucher, ah, maître, ah, bon fils blanc à moi! Puis, le sentiment de sa hideur l'envahissant tout à coup, il cacha sa face ravagée dans ses doigts crispés et tomba sur les genoux, la poitrine agitée de convulsifs soubresauts. Robin s'endormit sous un bananier. Son sommeil fut hanté par le cauchemar. À son réveil, la fièvre le reprit avec violence, le délire survint. Casimir ne perdit pas la tête. Il fallait à tout prix un abri pour son nouvel ami. Sa case était contaminée, croyait-il. Il fallait au plus vite l'approprier à sa nouvelle destination et la rendre habitable pour le malade. Il saisit sa pioche, gratta profondément le sol, emporta au loin la terre, éparpilla sur le plancher des charbons ardents, puis recouvrit ce plancher de belles frondaisons de macoupi qu'il coupa sans y toucher et étala avec la pointe de son sabre. La couche du malade étant purifiée, il fit lever celui-ci en lui disant doucement « Allons, compé, où vini coucher là ?» Robin obéit comme un enfant, entra dans la case, s'allongea sur le lit de verdure et s'endormit d'un sommeil de plomb. « Pauvre moucher !» disait pendant ce temps le noir. « Lis bien mala. Lis mourir si pas vini côté mot. Ah mais non, Casimir, lis pas oulé. » L'accès de fièvre arrivait, rapide, presque foudroyant. Le blessé délira bientôt. Il éprouvait à l'occiput d'intolérables douleurs. D'effroyables visions obsédaient sa vue. Sur ses yeux s'étendait comme un voile sanglant où se tordaient des milliers de reptiles, plus hideux les uns que les autres. Le noir connaissait de longue date l'accès pernicieux, et aussi les remèdes indigènes employés souvent par les bonnes femmes du pays. Son abatis, cultivé avec amour, contenait non seulement les plantes et les arbres utiles à l'alimentation, mais encore les végétaux dont la médecine créole fait un si fréquent et si salutaire usage. Là se trouvait le catalou, dont le fruit coupé en tranches est l'élément indispensable de la boisson rafraîchissante, dite rafraîchie, et qui, écrasé en bouillie, forme le plus émollient des cataplasmes. Puis, l'yapana, ou thé de la Guyane, tonique et sudorifique, le batoto, un arbuste aux feuilles atrocement amères, contenant en principe fébrifuge et antipériodique, analogue à la quinine ou à la salicine, le tamarin purgatif, le ricin, le catal au diable, dont les graines infusées dans le tafia sont inspécifiques contre la morsure du serpent, etc. Mais le cas de Robin nécessitait l'usage immédiat d'une médication plus énergique. Casimir le comprit bien. En dépit de la saignée copieuse à laquelle le vampire avait soumis son compagnon, l'accès affectait la forme congestive. L'application d'un vésicatoire était urgente. Un vésicatoire, par 5 degrés de latitude nord. Le noir n'avait ni cantharide, ni ammoniaque, aucune substance pour en produire la vésication. Le vieux docteur in partibus ne semblait pourtant pas embarrassé. « Petite minute, mouché. Moale, pibini. » Il prit son sabre, son couille, s'en alla claudiquant et explora minutieusement les abords de la crique. « Ah, ça bien bon, » dit-il en se baissant. « Oui, oui, ça même. » Il se baissa, ramassa quelque chose, mit quelque chose dans son vase végétal et recommença à 8 ou 10 reprises, puis il revint. Son absence avait duré 10 minutes. Debout près du malade, l'air grave, recueilli, il saisit avec d'infinies précautions un insecte long d'un 1,5 cm, noir d'ébène, luisant, au fin corselet, à l'abdomen renflé et mobile. Tenant alors l'animal par la tête, il applique son autre extrémité derrière l'oreille du malade. Un dard court et rigide surgit, s'implantant profondément dans l'épiderme. « Hein, hein ?» dit-il en azonnant. « Ça bien bon !» Il jeta l'insecte, en prit un second, et lui fit opérer la même manœuvre derrière l'autre oreille, puis un troisième, 2 cm plus bas, puis un quatrième, un cinquième, puis un sixième. Le malade criait, tant cette minuscule ponction le faisait souffrir. « Hein, hein ?» disait toujours le noir. « Ça même, ça méchant bête là, bon poupou mouché !»« Cette mauvaise bête est très bonne pour le monsieur. » Excellente en effet. Un quart d'heure ne s'était pas écoulé que 2 énormes cloques remplies de sérosité jaunâtre soulevaient l'épiderme qu'elle bossuait, produisant une vésication analogue à celle qui eût résulté au bout de 12 heures de l'application du meilleur vésicatoire. Le malade semblait renaître. Sa respiration rauque s'adoucissait. Ses pommettes enfiévrées pâlissaient. Un miracle auquel la thérapeutique civilisée était étrangère s'accomplissait. « Ça, fourmi flamand, bonbon !» dit alors Casimir, qui, sans plus tarder, saisit une longue épine de coinant et perça les cloques d'où jaillit un jet d'un liquide citrin. Il eût bien voulu appliquer sur la plaie une poignée de coton imbibé d'huile tirée du fruit du bâcher, mais il n'osa pas, dans la crainte de toucher son malade et de lui communiquer sa lèpre. « Ça, bon, bon même !» Robin reprit connaissance, ou plutôt, une douce somnolence succéda rapidement à son état comateux. Il put à peine balbutier un remerciement et s'endormit. Le bon nègre avait opéré un véritable prodige. Les éléments de cette cure merveilleuse, dont le résultat avait été immédiat, étaient bien simples pourtant. Un vulgaire remède de bonne femme. La piqûre des fourmis flamandes est horriblement douloureuse. Telle est en outre la propriété particulière du venin, dont le aiguillon est le véhicule qui l'amène séance tenante la vésication. Tel est aussi le résultat produit par la fourmi eau bouillante de l'Afrique équatoriale. L'épiderme se soulève instantanément, comme sous une compresse d'eau à 100 degrés. Les phénomènes sont absolument identiques, avons-nous dit, à ceux qui résultent d'une application de cantharide. Au réveil, une bonne infusion de feuilles de batoto compléta cette médication tropicale, dont l'effet fut à ce point bienfaisant que 24 heures après, le malade, bien qu'horriblement faible, se trouvait hors de danger. Qui donc avait enseigné au vieux nègre ce traitement qui se rapproche si singulièrement de celui qu'emploient nos praticiens, les dérivatifs et les antipériodiques, car en somme, une vésication produite par une fourmi est-elle inférieure à celle des cantharides et l'absorption d'infusions de batoto n'a-t-elle pas souvent guéri les coureurs des bois aussi bien que la quinine? N'est-ce pas là un merveilleux rapprochement à établir entre un résultat obtenu par des sauvages qui ont étudié le livre de la nature et les savants qui ont pâli sur les ouvrages de pathologie? Le fugitif, enfin soustrait à l'influence de la malaria équatoriale, était sauvé. L'inclémence de la nature était vaincue, mais la haine des hommes veillait. 4 jours s'étaient à peine écoulés que Casimir, absent depuis quelques heures, rentrait effaré en s'écriant « Compez-moi, là-bas, méchant mou blanc qui vinit côté nous !»« Ah !» dit Robin, dans l'œil duquel surgit comme un éclair. « Des blancs, des ennemis. N'y a-t-il pas un indien avec eux ?»« Ça même, Kalina Kavini. »« Bien. Je suis horriblement faible, mais je me défendrai. Ils n'auront que mon cadavre, tu entends ? Ça même. Mon Paoul et eux, tu es où ? Ou pas bouger ? Ou rester là ? Sous feuille mascoupie. Vie Casimir jouer une bourtoire à mi-chamblant. Le fugitif s'arma de son sabre, trop lourd hélas pour son bras débilité. Puis, connaissant les ressources que tenait en réserve son vieux compagnon, il se blottit sous les feuilles vertes et attendit. Des pas rapides se firent bientôt entendre, puis une voix rude retentit, accompagnée du craquement bien connu d'un chien de fusil. La formule employée par un des nouveaux venus, sinistre pays civilisé, était à la fois lugubre et grotesque en pareil lieu. « Au nom de la loi, ouvrez !» Le noir, sans attendre une seconde sommation, ouvrit doucement la porte et montra sa face hideuse. Sa vue produisit sur les blancs l'effet d'une telle de trigonocéphale. Quant à l'Indien, qui ne s'attendait pas à pareille rencontre, il resta un moment parfaitement ahuri. Il y eut un silence. « Entrez !» dit Casimir, en donnant à ses traits l'expression de la plus avenante cordialité, vaine tentative d'ailleurs qui aboutit à la plus atroce grimace. « C'est un lépreux, » dit un des nouveaux venus. « Plus souvent que j'entrerai dans la cabane, pour attraper des chics, des tiques, et risquer de pincer le pion qui le ronge. « Eh bé, ou capavini ? Jamais de la vie. Tout doit être pourri là-dedans, ça suinte la lèpre. Jamais le fagot ne se serait réfugié ici. « Qui sait ? » reprit le second surveillant. « Nous ne sommes pas venus pour retourner bredouille. En prenant quelques précautions, voyons, nous ne sommes pas des enfants. « À ton aise, moi je bats en retraite. » Avec ça, j'ai les jambes encore rongées par les malingres. L'air seul de ce poulailler suffira à les emmanimer. Mon calé, fit l'Indien en pensant à la prime et aux innombrables vers de tafia qui en seraient la conséquence. Moi aussi, parbleu, reprit le surveillant. Je n'en mourrai pas après tout. Ça même, fit le noir radieux. L'argousin, le sabre d'abattis à la main, pénétra le premier dans l'humble réduit à peine éclairé par quelques minces rayons filtrant à travers le goletage. Le porouche suivit en marchant sur la pointe des orteils. Un hamac tendu en travers était le seul meuble de la case. À terre, quelques ustensiles grossiers, des couilles, des gargoulettes, une grage à manioc, une couleuvre pour passer la pulpe râpée, un mortier, un long pilon de bois noir et une plaque circulaire de tôle. Sur le sol, un lit épais de feuilles de macoupi. Dans un coin, plusieurs brassées d'épis de maïs et quelques galettes de cassave. C'était tout. « Et là-dessous ?» grogna le surveillant, désignant de la pointe de son sabre la litière des fondaisons. « Y a-t-il quelque chose ?»« Mon pas savé, » fit le noir d'un air idiot. « Ah, toi pas savé, eh bien je vais voir. » Il dit et leva le bras, comme pour planter la pointe de son sabre à travers les folioles. Un sifflement aigu, bien que peu intense, retentit, et le surveillant, terrifié, resta la main haute, la pointe basse, la jambe allongée, dans la position d'un maître d'armes qui porte un coup de sonde. Il semblait pétrifié. L'Indien était déjà dehors. Il était épouvanté lui aussi, le digne Port-Rouge, et paraissait avoir absolument oublié les rasades de l'avenir. « Aïe aïe » beuglait-il. « Aïe aïe !» Et son accent indiquait une folle terreur. Le surveillant fut près d'une demi-minute avant de reprendre ses esprits. Le lépreux, immobile aussi, le regardait avec une expression diabolique. « Pourquoi au capacercé ?» Le son d'une voix humaine le fit sursauter. « Aïe aïe !» murmura-t-il d'une voix étranglée. « C'est un aïe-aïe !» Et son regard ne quittait pas deux points qui luisaient au milieu d'un petit paquet noirâtre, enroulé comme au bout d'un filin. Un brusque mouvement, et je suis mort. Allons en retraite. Et doucement, bien doucement, avec d'infinies précautions, il ramena sa jambe droite, retira sa gauche, se cambra en arrière, et chercha à gagner la porte. Un second sifflement se fit entendre au-dessus de sa tête, au moment où il poussait un soupir de soulagement. Ses cheveux se dressèrent, il lui sembla que la racine de chacun d'eux était une pointe rougie. Puis, un objet long, mince, de la grosseur du col d'une carafe, glissa lentement d'une poutrelle avec un susurrement d'écailles froissées. Il leva la tête et faillit tomber à la renverse, en voyant à quelques pouces de sa figure un serpent, la gueule béante, qui, accroché par la queue, allait se laisser tomber et lui planter en plein visage ses crocs empoisonnés. Fou de terreur, il bondit en arrière, en envoyant toute volée un coup de sabre sur le terrible ophidien. Heureusement pour lui, sa lame porta d'aplomb et décapita net l'animal qui s'abattit sur le sol. « Un grage » hurla-t-il, « un grage !» La porte était derrière lui grande ouverte. Il la franchit avec la prestesse d'un clown traversant un cerceau de papier, non sans buter sur un troisième serpent qui rampait en agitant les anneaux cornés de sa queue. Cette scène n'avait pas duré une minute. Le second surveillant, alarmé par les cris de l'Indien, restait interdit à la vue de son compagnon qui, pâle, trempé de sueur, la face contractée par la terreur, semblait prêt de tomber en défaillance. « Eh bien » interrogea-t-il brièvement. « Qu'y a-t-il ? Parle !»« C'est plein de serpents là-dedans » articula-t-il faiblement. Le noir sortait en même temps de la case, avec autant de rapidité que pouvait le lui permettre sa jambe atteinte d'éléphantiasis. Il paraissait également terrifié. « Ah, mouché, serpent là, trop beaucoup, plein mot la case !»« Mais tu n'habites donc pas ta case, si mouché, petit morceau, un peu. » »« Comment se fait-il qu'elle pullule de serpent ? Ordinairement, il se niche que dans les carbets abandonnés. »« Mon pas savé. »« T'as pas savé, t'as pas savé. » Il me semble qu'il y a bien des choses que tu sais et que tu fins d'ignorer. Mon capami serpent là, non. Ça, je veux bien te croire. Aussi, pour qu'il ne t'arrive pas malheur pendant la nuit, je m'en vais flanquer le feu à ta niche. La garnison est trop dangereuse. Le vieux nègre frémit. Si sa cabane brûlait, c'en était fait de son hôte. Aussi fût-ce avec un réel accent de douleur qu'il implora la pitié des deux hommes. Il n'était qu'un pauvre homme, bien vieux, bien malade. Jamais il n'avait fait de mal à personne, sa case était son seul bien. Comment trouverait-il un abri désormais? Ses bras débiles ne pourraient plus en construire un autre. Après tout, il a raison, reprit celui qui était entré dans la case, et qui, ravi de la fin de son aventure, ne demandait pas mieux que de s'en aller. Il y a gros à parier que notre homme n'est pas caché avec de pareils camarades de lit. L'Indien s'est moqué de nous, et de deux choses l'une, ou Robin est bien loin à l'heure présente, ou il est mort. Ma foi, cela me paraît juste, et nous avons raisonnablement fait notre possible. Si tu veux m'en croire, nous ne prendrons pas racine ici. C'est mon avis. Laissons le Morico se débrouiller comme il l'entendra avec ses locataires. Filons. Tiens, mais à propos, et l'Indien? L'Indien, il nous a mis dedans comme des fantassins de deuxième classe. Il s'est donné de l'air. Si jamais il me tombe sous la main, il peut être bien sûr d'empoigner une de ses roulées. Les surveillants, prenant philosophiquement leur parti du bredouille qu'ils venaient de faire, reprirent leurs traces et disparurent. Casimir les regardait s'en aller en riant d'un rire de démon. Ha ha! Serpent aïe-aïe, serpent grage, serpent boltinenga, tout ça bon petit bête à mots! Puis il rentra dans la case en sifflotant doucement. Quelques frémissements imperceptibles agitèrent pendant quelques minutes la litière, puis tout bruit cessa. Il n'y avait plus d'autre indice de la présence des reptiles qu'une forte odeur de musc bien caractéristique. « Eh, coupé !» dit-il joyeusement. « Comment vous, Fika ? Comment vous portez-vous ? » La tête pâle du fugitif émergea lentement, puis le court entier s'arracha péniblement du trou, au fond duquel Robin venait d'endurer un quart d'heure de mortelle angoisse. « Ils sont partis ?»« Oui, coupé, eux partis. Pas content, ils gagnent la peur. Oh, la peur ! Ils ont eu peur, mais une peur. Comment as-tu fait pour les mettre en fuite ? Je les ai entendus hurler de terreur. » Puis cette odeur de musc. Le lépreux raconta alors à son hôte qu'il était charmeur de serpents. Il savait les appeler, les faire venir. Il pouvait impunément les toucher, mais encore il n'avait rien à craindre de leur morsure au cas où ces sauvages visiteurs commettraient quelque écart de mâchoire. Non seulement le boisinanga, ou serpent à sonnette, mais encore le redoutable grage et le terrible aï-aï, ainsi nommé parce que la personne mordue n'a que le temps de jeter ce cri entre le moment de la morsure et celui de la mort. Quant à l'immunité de Casimir, elle s'expliquait parce qu'il avait été lavé pour le serpent par Mouché Oleta, un blanc bien connu en Guyane, qui au moyen de breuvage et d'inoculation savait rendre absolument inoffensive la morsure de tous les reptiles. « Mon caplé serpent, quand blanc vini côté nous, ça blanc-là pas lavé. L'issoti qui allait, j'appelais les serpents quand les blancs sont venus. Comme les blancs ne sont pas lavés, ils sont sortis et se sont enfuis. Mais si l'un d'eux m'avait mordu, oh, pas danger. Mon qu'avez mis côté vos herbes. Serpent pas content, herbes là. L'ipavini côté vous. À présent, ou pas sorti. Kalina parti. Allez côté grand bois. L'i pas content. Pas gain sous marqué. Pas gain tafia. L'i ouvris au l'œil côté. Et maintenant, restez ici. L'Indien s'en est allé dans les grands bois. Il est furieux. Il n'aura pas de sous marqué. La prime. Il n'aura pas de tafia. Il ouvrira l'œil de votre côté. Le bonhomme ne s'était pas trompé. 6 heures à peine après l'algarade survenue aux surveillants et leur déroute précipitée, Atouka va rôder impudemment près de la case. « Oh, méchant môme, empêchez-moi prendre tigre blanc. Sauti, mauvais Kalina, riposta Casimir en crachant dédaigneusement. « Chia !»« Battant, mauvais indien, rien qui vaille. »« Si to vini côté mo la case, to voué ça, vie cocobé, baito un piaille. » Tu verras, le vieux lépreux te jettera un sort. » À ce mot de piaille, l'Indien superstitieux ainsi que ceux de sa race s'enfuyaient perdus comme un cariacou poursuivi par le tigre.